Vous êtes à l'écoute de la radio Isanganiro, mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en français. Tout d'abord, les titres. Les sols minéraux nécessaires pour les plantes sont emportés par l'érosion, ce qui fait que la terre cultivable se détériore du jour au jour. Salvatore Caboneca, professeur et chercheur des universités, va s'exprimer dans ce journal. Une personne a été grièvement blessée à la machette la nuit de ce vendredi sur la colline Kiremba, c'est dans la province de Bururi. Et la Force de défense nationale du Burundi dément les informations diffusées par certains médias de la région accusant les contingents burundais de collaborer avec les groupes armés en RDC. Voilà pour les titres. Eric Kouimana sur la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page sécurité. La recrudescence et des embuscades continuent en commune Bururi. Un autre homme a été grièvement blessé à la machette la nuit de ce vendredi par trois personnes sur la colline Kiremba en commune province Bururi. Un parmi ces criminels a été directement appréhendé et a déjà dénoncé d'autres de son groupe et selon les sources policières. Le point avec Zeno Nzambiman. Cet homme du nom Marius Ndiwe Nishiga, âgé de 61 ans, est tombé dans une embuscade tendue par trois personnes armées de machettes dans la localité de Gwanghona sur la colline Kiremba en commune province de Bururi. C'était la nuit de ce vendredi aux environs de 19h. La victime a été grièvement blessée au niveau de la tête. Alertée par les cris de cet homme, certains de la population de Kiremba ont pu intervenir et ont directement appréhendé un de ces malfaiteurs qui répond au nom de Claude Nshimirimana, originaire de la colline Magnoni en commune Songa, et sa machette a été également saisie. Ce dernier a été sérieusement tabassé par la population emportée par la colère qui tentait de se faire justice, mais les informations sur place indiquent qu'il avait déjà dénoncé d'autres de son groupe. Pour le moment, la victime et le présumé auteur sont en train de subir les soins médicaux à l'hôpital de Bururi. Au niveau de la police à Bururi, on fait savoir que les enquêtes vont continuer. Depuis Bururi, Zenon Zabimar pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. Page agriculture, la terre cultivable et Burundi se détériore du jour au jour. Ceci est dit par l'expert Salvatore Caboneca, professeur et chercheur des universités. Il explique que beaucoup de sels minéraux nécessaires pour les plantes sont quasiment importés par l'érosion, d'où les cultures procurent une faible production par rapport aux années antérieures. Suivez-les au micro de Valise Ndikouanyang. C'est la cartographie de la fertilité des sols du Burundi qui vient de sortir. La lecture de ces cartes vous dit que les sols burundais sont complètement appauvris dans tous les éléments. Ce sont des sols fortement acides. Fortement. Pour ceux qui savent, le niveau d'acidité, pH inférieur à 5,5, pratiquement 75% du territoire national. Déficience, ça veut dire manque criant, manque élevé de phosphore, ça c'est un élément majeur. Manque, et ça c'est nouveau par rapport à ce que nous avions avant, manque de potassium. Forcément, manque de calcium, manque de magnésium, manque de potassium, parce que c'est lié à l'acidité. Et un excès de concentration d'un élément dont nous n'avons pas besoin, et dont la plante n'a pas besoin, c'est l'aluminium. Symbole de l'acidité. Forcément, pauvre en carbone, pauvre en azote. Pourquoi? Parce qu'il y a l'érosion. Ce que vous devez savoir, c'est que l'horizon de surface, qui est l'horizon de surface, qui contrôle, si vous voulez, tout le profil, tout le processus dans le sol, c'est l'horizon organique. Or, c'est cet horizon organique qui est soumis à l'érosion, laquelle érosion est exacerbée par les pentes, donc la situation topographique, mais également par la pression démographique. Culture après culture, culture après culture, culture après culture, et la pluie, même si elle vient de temps en temps difficilement, quand elle vient, elle nous prend cet horizon. Donc, globalement, tous les sols burundais d'altitude à 75% sont très appauvris en éléments nutritifs. Les caractéristiques d'un sol fertile, il y a plusieurs propriétés qui sont nécessaires. Il y a les propriétés physiques, comme la porosité, la perméabilité, le potentiel d'infiltration, la résistance à la température, n'est-ce pas? Et il y a suffisamment d'éléments nutritifs qui doivent être là. Ils sont au nombre de 16 globalement, mais 13 sont les plus importants. NPK, calcium, magnésium, soufre, fer, cuivre, zinc, il y en a 13 si on exclut le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qui se trouvent dans l'environnement. Page élevage, le manque d'hormones qui met en chaleur l'élevage bloque la synchronisation de masse alors que cette pratique donne de bonnes races et très productives. En les propos d'Innocent Nakarutimana, un séminateur provincial responsable de l'approvisionnement en matériel et consommable. Il le dit au moment où la campagne d'insémination Domasse sur 300 vaches faites fin du mois d'avril de l'année passée dans quatre communes de la province Ngozi a réussi à plus de 60%. Il demande au gouvernement de disponibiliser ses hormones pour que les éleveurs aient un cheptel de qualité. Il nous parle tout d'abord de la satisfaction face aux résultats obtenus sur cette campagne de l'année passée. Suivez-le. En 2022, fin d'avril 2022, nous avons effectué une campagne de synchro-insémination artificielle ici en province de Ngozi, dans les communes de Kiremba, Gashikanwa, Ngozi et Usiga. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits des résultats obtenus parce que, à l'exemple de la commune Usiga, nous avons enregistré plus de 62% de naissances. Ce résultat pour nous est satisfaisant parce que dans le cas de campagne d'insémination artificielle, si on parvient à avoir plus de 50%, pour nous, c'est une satisfaction parce que les campagnes d'insémination artificielle, pendant les campagnes d'insémination artificielle, on amène des animaux variés, de races variées. On a les races locales, on a les races croisées frisonnes, les races croisées sahiwales. Et ces animaux ne tombent pas en charrette en même temps. C'est pour cela, si on parvient à avoir des résultats de plus de 50%, on considère ça comme une réussite. Isanganiro, la radio. Le journal continue. La force de défense nationale du Burundi démarre les informations diffusées à travers certains médias de la région, accusant les contingents burundais déployés au Nord Kivu de collaborer avec les groupes armés. Lors d'un point de presse, c'est ce samedi, le porte-parole de l'armée burundaise se réfère si les informations diffusées dans l'émission Ishushoyi Kumwero sur la radio-télévision du Rwanda, c'était le 14 mai courant. Colonel Floribert Biereke qualifie cela d'injure à ses militaires burundais. Suivez-les. Après avoir occupé les positions indiquées par les chefs des forces de défense des pays partenaires de l'EAC, les troupes burundaises exécutent les tâches suivantes. Assurer la sécurité de la population et de ses biens. Sécuriser les principaux axes routiers pour permettre la libre circulation des biens et des personnes. Assurer la sécurité des organismes nationaux et internationaux pour l'acheminement des aides humanitaires. Dans le cadre de l'exécution de la mission, les militaires burundais ont déjà accompli pas mal de réalisations. Au nord comme au sud Kivu, le contingent burundais accomplit sa mission dans le strict respect des directives régissant la mission. Malgré les efforts fournis par les militaires burundais en RDC, il est à déplorer que certaines personnes mal intentionnées à travers la télévision rwandaise RTV accusent sans fondement les troupes burundaises déployées au Nord Kivu de collaborer avec des groupes armés, de les entraîner et de leur offrir des armes. Ces affirmations calomnieuses constituent une injure grave au regard du professionnalisme avec lequel nos troupes accomplissent leur mission partout où elles sont déployées. La FDNB dément sans embâche ces propos malveillants tenus pour des intentions inavouées. Les militaires burundais n'ont jamais collaboré avec un groupe quelconque et n'entendent jamais le faire. Terminons ce journal par Page Sport. Le championnat national de football de la première division, Primus League, édition 2022-2023, prend fin ce samedi. Youssouf Mossi, président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération burundaise de football, FFB, fait savoir que ce championnat s'est bien déroulé. Il précise qu'actuellement, ce championnat est organisé conformément aux lois de la Fédération internationale de football FIFA. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney, Gendakouman. Nous sommes en train de conclure notre championnat, Primus League, année 2022-2023. Je peux dire que nous sommes à un stade satisfaisant parce qu'il nous reste juste une journée. Et donc, je peux dire que nous sommes à un niveau très satisfaisant. En ce qui concerne les innovations, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'innovations à faire parce que depuis que nous sommes à la tête de la commission des compétitions, et nous avons essayé de mettre en place un processus de développement des compétitions. Et je peux dire que nous sommes déjà au niveau des standards qui sont recommandés par la FIFA. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Tout d'abord, nous avons mis en place un système d'enregistrement électronique. Notre calendrier est maintenant enregistré électroniquement au niveau du système de la FIFA. Et les joueurs sont enregistré dans notre système informatisé recommandé par la FIFA et maintenant la gestion de la feuille de match et des sanctions, tout est informatisé donc comme la FIFA le veut. Et pour cette année-ci, nous avons introduit un nouveau système. Donc, ça dit que maintenant, certains matchs sont télévisés live sur le site officiel de la FIFA, donc à FIFA à TV. Voilà. C'est sur cet élément que nous mettons un point final à ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite dans nos programmes. Au revoir.